sont plus t-shirts. J'aimerais en profiter pour appeler tous les Français à voter Marine Le Pen, s'il vous plaît. Ouais. Thank you. manque une bouteille. Je joue pas au picole. Une bouteille pour trois, c'est mort. On joue pas au picole. Allez là, cette bouteille. Allez là. Allez où les fois de bouteille. On s'appelle CFD. On vient de Brême en Allemagne. Thank you. coordination. Ah non, c'est clair, on espère que... pour le SPAC au moins. Je te jure qu'il est criminel.